They wanna know if he still got it, got it. They wanna know if he still got it, got it. They wanna know if he still got it, got it, got it, got it, got it, got it. J'ai la fureur et la foi, je suis trois fois plus efficace. Je boxe avec les mots, c'est ma cause, mon appétit de casse conçu pour durer. Jamais de l'ordre ici, un hymne pour la racaille de France, qu'on s'en sorte ici. Mon esprit part en couille et je pète les plombs. Fais courir le bruit, j'attaque du mac jusqu'au bled tonton. On a un code de l'honneur, car le combat continue après l'orage sur nos testaments. Juste à son qui tue, c'est un signe des temps, pour ça y'a X raisons. Le son et ses détournements, dis-moi c'est quoi qui te gêne. Dans la loi du point final, le vécu on s'aime, on n'est pas né sous la même étoile. T'entends parler de te pas, il est passé par-ci, il est passé par-là. T'entends parler de Niessa, elle a dit ceci, elle a fait cela. J'ai le calme qu'il te faut pour la première consultation. Les vrais arts se reconnaissent dans mes salutations. On fout le feu dans le ghetto, faut que t'enregistres. Je rappe pour les puristes. Tracer sa nièce du moment que le son gifle. Je rappe pour les puristes. On fout le feu dans le ghetto, faut que t'enregistres. Je rappe pour les puristes. Tracer sa nièce du moment que le son gifle. Appelle mon nom, A-N-I-E-S. J'éteille mon son, la haine me laisse. Adepte du lust, spécialiste, top mon nom sur ta liste. Mec, sort des rangs, ou reste vrai, même si la route est longue. Dans le rap business, car c'est la monnaie qui dirige le monde. Ma génération n'a plus de respect pour ce prince combat. Donc on monte un syndicat du rap, on leur coupe pas, leur compte pas. Quand je fais mon job à plein temps, je lance les comme certains frères pour faire un guet-apens. À la recherche du mic perdu, entre deux mondes. Y'a beaucoup trop de demandes, donc aujourd'hui ils inondent les ondes. Ça fait bizarre qu'ils disent de nous des éléments dits dangereux. Blessé dans mon ego, quand je prends la parole, ça n'est plus un jeu. On est l'asphalte hurlante, perdu dans un labyrinthe. Et sans Marseille et Paris sous les bombes, en marquant nos empreintes. Tous ensemble, on passe du rire aux larmes. Les jours se ressemblent parce qu'on n'a pas le choix des armes. On fout le feu dans le ghetto, faut que t'enregistres. Je rappe pour les puristes. Tracer sa nièce du moment que le son gifle. Si je rappe pour les puristes. On fout le feu dans le ghetto, faut que t'enregistres. Si je rappe pour les puristes. Tracer sa nièce du moment que le son gifle. Si je rappe pour les puristes. Le monde va mal, on solutionne par la bouteille de gaz. Ma mentalité est chienne pour un maximum de face. C'est pour mes petits frères et mon cœur fait boum boum. Tape pas ton survie, bloc parti en zone zoom. Tchatcher vous, pas si loin de toi et c'est le choc frontal. Une vraie mission suicide, même si je n'ai plus de balles. Une couleur de plus au drapeau pour le grand chelem. L'armada au comble de fer, le rap, musique que j'aime. Là où je vis, même le diable ne peut plus m'aider. On met les points sur les i parce qu'à force de vivre, on veut plus céder dans le boulevard des rêves. On a que le salaire de la galère qui saigne. Je suis l'homme sur la mesure, même si la parole est mienne. Mais qu'est-ce que tu veux que je sème, tu sais, mon âme est triste. Donc jusque dans le 18ème, on est tous explicites. Acte 2, l'esprit écoute le double impact de leur grand guise de larmes. On fout le feu dans le ghetto, faut que t'enregistres. Je rappe pour les puristes. Tracer sa nièce du moment que le son gifle.